Et dès lors, je me suis baigné dans le poème de la mer, infusé d'astres et lacté sang, dévorant les azurs verts, où, flottaison blême et ravie, un noyer pensif parfois descend, où, teignant tout à coup les bleuités, délires et rythmes lents, sous les rutilements du jour, plus fortes que l'alcool, plus vastes que nos lyres, fermentent les rousseurs amères de l'amour. Je sais, les cieux crevant en éclairs, et les trombes, et les ressacs, et les courants. Je sais, le soir, l'aube exaltée, ainsi qu'un peuple de colombes. Et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir. J'ai vu le soleil bas, taché d'horreur mystique, illuminant de longs figements violets, pareils à des acteurs de drames très antiques, les flots roulant au loin, leurs frissons de volée. J'ai rêvé la nuit verte aux neiges éblouies, baisé montant aux yeux des mers avec lenteur, la circulation des sèves inouïes, et l'éveil, jaune et bleu, des phosphores aux chanteurs. J'ai suivi, des mois pleins, pareil aux vacheries hystériques, la houle à l'assaut des récifs, sans songer que les pieds lumineux des maris puissent forcer le mufle aux océans poussifs. J'ai heurté, savez-vous, d'incroyables forides, mêlant aux fleurs des yeux de panthères à peau d'homme, des arcs-en-ciel tendus comme des brides sous l'horizon des mers à de glauques troupeaux. J'ai vu fermenter les marais énormes, nasses ou pourris dans les joncs, tout un léviathan, des écroulements d'eau au milieu des bonasses et les lointains vers les gouffres cataractants. Glaciers, soleil d'argent, flots nacreux, cieux de braise, échouages hideux au fond des golfes bruns, où les serpents géants dévoraient les punaises, choient des arbres tordus avec de noirs parfums.